Comment t'expliquer? Ils se sont aimés le temps d'une lune. Depuis ce temps-là, elle s'en va parfois rêver dans les dunes. Et moi, pauvre chien, je n'y comprends rien. J'ai le cœur en cendres. J'attends qu'elle oublie. J'attendrai ma vie, puisqu'il faut attendre. Mais la fille solitaire regarde la mer, la maison de bois, où jadis elle connut cet homme imprévu qui n'était pas moi. Mais la fille solitaire regarde la mer, les reflets du jour. Moi, j'attends son regard, j'attends un espoir, j'attendrai toujours. Près de l'embarcadère, parmi les bruyères, sur la véranda, elle repense aux instants d'amour et de vent que l'on n'oublie pas. Et si tu savais tout ce que je fais pour la faire sourire, pour qu'elle m'aime enfin, pour l'emmener loin de ses souvenirs. Comment t'expliquer que je crois voler plus haut que moi-même? Je n'ai qu'une vie, je n'ai qu'un ami, je n'ai qu'un je t'aime. Mais la fille solitaire regarde la mer, la maison de bois, où jadis elle connut cet homme imprévu qui n'était pas moi. Mais la fille solitaire regarde la mer, les reflets du jour. Moi, j'attends son regard, j'attends un espoir, j'attendrai toujours. Près de l'embarcadère, parmi les bruyères, sur la véranda, elle repense aux instants d'amour.